10h35. Et on parle à Jacques Brassard. Dans Morelight, Morelight, nos chroniqueurs sur l'herbe. En veux-tu une light? À 10h36, et Will fera partie de la grande famille des chroniqueurs pour 2014-2015, à moins qu'il nous en avise autrement. Monsieur Brassard, comment ça va? Ça va très bien. Comment se déroule l'été sur le bord du lac? Merveilleusement bien. Même si j'ai eu une ce qu'on appelle une grippe d'été, je suis maintenant rétabli. Et c'est merveilleux sur les rives du lac Saint-Jean. Une grippe d'été qui est nettement pire qu'une grippe d'hiver, là, parce que avoir des sueurs quand il fait 32 dehors, c'est plus ou moins plaisant. Et la toux aussi. La toux. Et ça, je pense que ça vient de mon arrière-petit-fils qui est en garderie. Vous savez que les enfants de garderie, ça traîne beaucoup de virus et de bactéries. Ah oui, ça c'est pratique. Hein? Quand on les garde, on développe des anticorps. Sauf qu'à un moment donné, dans la collection qu'on a... Mais eux aussi, les enfants développent des anticorps. Exact. Aussi. Exact. Puis avez-vous regardé un peu l'actualité? Il y a quand même beaucoup de choses. Oui. Puis vous n'êtes pas du genre à déconnecter à 100% quand même. Vous restez branché sur la vie. Je ne suis jamais déconnecté de la réalité. Exact. Vous restez branché sur la vie. Qu'est-ce qui vous a allumé? Sur la scène internationale. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous interpelle? Ah, je vous entendais tantôt parler d'un incident de bavure. Vous avez utilisé le mot de bavure. C'est sûr que dans un conflit comme celui-là, il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Il y a des incidents ou des morts de civils, mais il faut jamais oublier que le Hamas, comme le Hezbollah d'ailleurs, ces organisations terroristes, utilisent sciemment la technique ou la tactique du bouclier humain. Ils utilisent des civils pour protéger des sites de lancement de roquettes, pour protéger des sites de dépôt d'armes. C'est connu. Et il faut tenir compte de cette donnée-là. Il y a pas si longtemps, il y a quelques jours, l'aviation israélienne avait comme cible un édifice où ils étaient sûrs qu'on y avait déposé des roquettes. Et finalement, les avions ont rebroussé chemin. Il y avait sur le toit de l'édifice Des dizaines et des dizaines de personnes. C'était manifestement là, la tactique du bouclier humain qu'on a utilisée à ce moment-là. C'était l'évidence. Alors quand l'adversaire n'hésite pas à utiliser des civils, y compris des enfants, pour se cacher derrière, face au Tsahal, face à l'armée israélienne, c'est évident qu'il arrive des accidents et ce qu'on vous appelez ou ce que le monde appelle des bavures. Mais il faut pas oublier la réalité, puis il faut pas oublier la nature de cette confrontation. La nature, c'est qu'Israël est un pays indépendant qui se fait attaquer. Voilà. Par un ennemi, et la France, la Belgique, la Chine, le Japon, nommez les pays que vous voudrez, auraient réagi. Et là, Israël se défend parce que la presse internationale, au cours des derniers mois, n'a jamais parlé des attaques du Hamas contre Ashkelon, entre autres, qui est une ville qui se fait arroser de roquettes matin, midi, soir. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Pas depuis la confrontation. Depuis longtemps. Ça fait des mois et des mois et des mois. Années. Personne n'en parle. La presse internationale, Le Monde, le New York Times, la presse, Le Devoir, personne n'en parle. On en parle au moment où le gouvernement israélien est écœuré de cette situation qui met en péril les civils israéliens, décide de réagir et d'essayer de mettre un terme à ces attaques continues sur Israël. Là, à ce moment-là, ça devient un objet d'étude et d'analyse et de publication, de publicité de la part de la presse internationale. Et à ce moment-là, Québec solidaire se trouve une maudite bonne raison pour organiser des manifs. Voilà. Les pro-palestiniens descendent dans la rue. C'est comme ça à Montréal, à Ottawa, à Paris, partout. Partout dans le monde, particulièrement dans le monde occidental. Et là, c'est Israël qui est le coupable. C'est Israël qui est condamné. Et l'antisémitisme aussi affleure, hein, surgit à l'occasion. Là, on le voit dans les pancartes et dans les cris de ralliement. C'est toujours la même chose. Ouais, mais là, c'est devenu plus intense. Ça fait 60 ans que ça dure. Mais là, c'est devenu plus intense. Israël a été créé en 48. Ouais, mais là, on est. Moi, je pense. Avez-vous cette perception-là qu'on a dépassé? On est rendu à une autre étape. Parlons des manifestations en France, les synagogues saccagées, des commerces cachers saccagés, avec la présence organisée de noyaux islamistes en France. Ça, on n'a plus affaire à des petites manifs bon enfant pro-palestiniennes. Déjà pro-palestiniens qui ont tout à fait le droit de l'être, et c'est tout à fait légitime. Mais là, on a affaire à des manifestations qui sont noyautées. De têtes brûlées islamistes qui ne veulent que propager la haine. Ça, on le voit en France, là. Absolument, parce que, évidemment, en France, c'est encore pire qu'ailleurs, compte tenu de la population d'immigrés et d'origine, surtout d'Afrique du Nord, et de musulmans. C'est sûr que l'islamisme... Faut pas le confondre avec l'islam. Non, ça rien. Mais l'islamisme apparaît là où il y a de l'islam. Ça m'apparaît d'une évidence et d'une logique implacable. Là. Et la gauche occidentale, la gauche québécoise, la gauche canadienne, française, la gauche occidentale est soit naïve, soit complice. En tout cas, elle s'acoquine avec des islamistes de plus en plus qui, eux ont un message antisémite très clair, sans le moindre équivoque. Ils veulent tuer des juifs, ils veulent tuer du juif, ils veulent éliminer Israël. C'est la haine du juif qui ressort très clairement, et c'est ça aussi du côté du Hamas et du Hezbollah, là, oublions pas ça. Quel est l'objectif du Hamas? Quel est l'objectif du Hezbollah? Détruire Israël. C'est clair et net, c'est l'éradication d'Israël et la suppression des Juifs au Moyen-Orient. C'est écrit en toutes lettres dans la charte du Hamas. C'est écrit. Si vous savez lire, allez lire la charte du Hamas. C'est ça que ça dit. Il faut détruire Israël. Alors, évidemment, Israël, quel est son objectif dans cette confrontation-là? Israël veut... détruire les sites de dépôts de munitions, de missiles surtout, de roquettes, et détruire aussi les tunnels. Vous avez vu? Ça, c'est une découverte pour le monde, là, si on regarde bien ce qui s'est passé. C'est carrément la découverte, et c'est même le New York Times qui utilisait cette expression-là, la découverte de underground de Gaza. Tu sais, il y a le Montréal souterrain, là, mais il y a le Gaza souterrain, là. Absolument. On savait qu'il y avait des souterrains du côté de l'Égypte, au sud, du côté de l'Égypte, à la frontière égyptienne. Ça, on savait depuis longtemps, là. Il y avait la contrebande qui... Et le gouvernement égyptien, maintenant, là, est très, très, très dur à l'égard du Hamas. Fort heureusement, il tolère plus de tunnels et il quasiment, on pourrait dire, un allié objectif d'Israël. Tout à fait. Bon, alors ça, c'est la réalité. Depuis que les frères musulmans sont tassés. Le gouvernement Israël, mettre un terme, détruire l'armement et détruire les tunnels aussi, puis ensuite, évidemment, empêcher que, de nouveau, le Hamas puisse s'approvisionner en roquettes et en missiles. Ça vient surtout de l'Iran. C'est l'Iran qui entretient tout ça, là aussi. Derrière le Hamas, derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Exactement. Donc, qu'est-ce qui est différent actuellement par rapport à il y a 10 ans? Moi, je note ça, effectivement. Un armement accru du Hamas, en fait, qui n'était pas élu à l'époque, là, qui est maintenant élu dans la bande de Gaza. Je crois que c'est en 2007. Il y a ça. Mais il y a, ce que je note, la mollesse américaine. Ah ben ça, ça, Obama là, il y, y en a qui l'aiment beaucoup encore là, mais moi, dès le départ, je savais que ça allait être un mauvais président. Je le savais. Pourquoi? Dès le départ. Pourquoi? Parce que il est issu de la gauche américaine, de la gauche du Parti démocrate. Il a été formé par la gauche, donc il a un esprit de gauche. On l'a vu lors des premières semaines de son premier mandat, aller faire le genuflexion en Arabie Saoudite en demandant pardon quasiment d'exister. Il a demandé pardon d'exister, c'était quasiment ça. Absolument, il s'est prosterné, ouais. Quasiment. Alors, donc, il a une vision de gauche, et pour lui, les États-Unis d'Amérique, c'est très clair dans son cheminement, les États-Unis d'Amérique, c'est une puissance impérialiste, donc mauvaise, et il faut arrêter ce mouvement impérialiste américain. Oui. Alors que il y a une autre vision aussi, là. Au 20e siècle, les États-Unis d'Amérique, c'était pas une puissance impérialiste. Non. Je pense que ça n'en est pas une non plus encore. Ils ont libéré l'Europe aux dernières nouvelles? C'était le leader du monde libre. Exact. S'il n'y avait pas eu l'Amérique, Hitler aurait continué de faire son œuvre. Et avec des erreurs. La Russie communiste existera encore. Mais les États-Unis ne sont pas exempts d'erreurs. Le Vietnam en a été une. Moi, je pense que l'Irak a été une erreur. Oui, l'Irak a été une erreur. On peut regarder ça comme ça. Oui. Mais en Irak, là, c'est sûr que ça vient. Ça a été initié par Bush. Alors, c'est le diable en personne. Mais il y avait eu une victoire sur le terrain. Et il y avait eu une amorce et en tout cas un début prometteur de la démocratie en Irak. Ouais, des élections libres. Mais malheureusement, moi je pense que malheureusement, Obama a décidé de le retrait total des troupes américaines en Irak, alors que le gouvernement irakien à l'époque ne voulait pas cela. Il voulait le maintien d'une force américaine en Irak. Et s'il y avait eu des garnisons, pas une armée américaine active, mais une garnison comme il y en a eu après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, puis au Japon, il y avait des garnisons. Et donc, un maintien d'une force américaine, je suis sûr que l'armée irakienne se serait comportée un peu plus courageusement aux islamistes. Mais la question demeure entière. C'est sûr qu'on est dans l'hypothétique. On est dans l'hypothétique, mais la question demeure entière. Est-ce qu'en milieu musulman, on peut faire pousser la démocratie? Démocratie, là, ça se plante pas comme une violette africaine dans une cuisine, non. Moi, M. Morel, je suis d'accord. Je suis convaincu que l'islamisme, c'est-à-dire l'islam radical, barbare, terroriste, obscurantiste, antiféministe, l'islamisme... est à l'opposé des Lumières. L'islamisme domine l'islam. L'islamisme domine l'islam. Je suis convaincu qu'il y a des musulmans modérés. Certainement, vous en avez rencontré. Il y en a sûrement. Mais l'islam modéré n'existe pas comme tel. Il y a peut-être des musulmans modérés qui n'approuvent pas le terrorisme, qui n'approuvent pas le traitement qu'on fait aux femmes. J'en conviens. Mais l'islamisme domine en islam. Quand est-ce que vous voyez... les musulmans sortir dans la rue pour condamner les actes terroristes? Mais là, j'ai un bémol. Je vais vous donner juste un exemple. C'est intéressant, puis la discussion qu'on a. Le gouvernement israélien a publié une lettre d'appui cette semaine en provenance du Sénégal. C'est l'Association des imams du Sénégal qui salue le combat d'Israël contre l'islam radical et qui les encourage le monde entier à lutter contre Boko Haram et Al-Qaïda. Moi, j'ai trouvé ça particulier. C'est une merveilleux. Je ne le savais pas, mais c'est rare. Intéressant. C'est rare. on en convient. Oui, tout à fait. Mais souhaitons que ça se propage, cet esprit-là, parce que si les musulmans modérés ne réagissent pas, l'islam radical va continuer de dominer l'ensemble des communautés musulmanes. C'est un cancer. Et moi, je pense que l'islamisme n'est pas compatible avec la démocratie. Ah, vous avez raison. C'est un cancer. Non, on voyait pas ça. On voyait pas ça même il y a 5 ans. Tu sais, il y a eu Al-Qaïda le 11 septembre. Mais là, ce qu'on voit, puis c'est la première fois de mon vivant, c'est la première fois de votre vivant également, la présence d'un califat. Je comprends que c'est pas structuré, je comprends. Mais ça, c'est un cancer, c'est quand même un indicateur là, oui, de la volonté de l'islamisme. Tout à fait. De toute nature. Là. Mm-hmm. Leur volonté, c'est de reconstituer le califat. On sait ce que ça signifie, le califat, ça veut dire c'est un État qui domine l'ensemble des communautés musulmanes. Et avec un état d'esprit comme celui qu'on voit présentement. Je crains qu'au Québec, on soit tombé en dormance par rapport à ça. Il y a eu le discours sur la charte. À mon avis, on ne parlait pas assez d'intégrisme musulman dans le discours de la charte. C'était très superficiel. Si on veut une charte pour se protéger, pensant que c'était un bouclier contre l'islam radical et les discours durs dans les mosquées québécoises, mais fondamentalement, ça demeure encore un problème. Puis on n'en parle plus. Personne n'en parle. Le discours contre l'intégrisme qu'on entend souvent, en général, c'est un discours trompeur. Parce que quand vous regardez les autres religions que l'islam, l'intégrisme est une infime. C'est infime au sein de ces religions-là. Les intégristes catholiques, là, il y en a pratiquement plus, là. Des intégristes, avez-vous déjà rencontré des intégristes bouddhistes? Non, c'est assez spécial, c'est assez rare. L'intégrisme, c'est-à-dire le radicalisme religieux, il est d'abord et avant tout en milieu musulman. C'est un fait qu'il faut reconnaître. On n'ose pas le dire. Dans le débat sur la charte, vous avez raison, moi je l'ai dit souvent, qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on souhaite? Quel est l'objet d'une charte? C'est l'islam et le voile. Ouais. C'était le voile. Il n'y a plus un curé qui s'habille en soutane. Ouais, mais on voulait guérir le symptôme au lieu de s'attaquer à la racine. Ben voilà. C'est ça le problème. C'est ça que je dis. Évidemment, on est en dormance. Pourquoi? Parce que, bon, la communauté musulmane, encore au Québec, n'est pas d'une importance. Elle ne dépasse pas les 15% comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Europe. Là. C'est pas une communauté qui a une grande importance démographique là, sur le plan du nombre. Mais je vous avise que les pays, quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, à partir du moment où les musulmans d'où qu'ils viennent, constituent plus de 10% de la population. Et dans certaines villes, c'est plus que ça. Marseille, en France, là, monsieur Moret, c'est une ville musulmane. Mais on n'a pas ça ici. Puis moi, quand je jasais avec des gens de la charte, j'avais l'impression qu'on voulait mettre au pas la madame qui travaillait au ministère de la Santé avec un voile. Tu sais, c'était ça, le discours que j'entendais. C'était, ouais, là, ça suffit les voiles. Moi, j'en mets pas de voile, puis ma femme n'a pas de voile. Tu sais, c'était ça, là. Oui, mais c'est parce que derrière le voile, il y a toute une idéologie. Mais on n'a pas à affronter cette réalité-là dont vous nous parlez en France. Non. On n'a pas à affronter ça. On n'est pas rendu là encore. Mais si on fait pas attention, on peut y arriver. On doit être vigilant. Quand je vois, moi, à Paris, il y a des rues qui sont bloquées à chaque semaine avec la prière à l'extérieur. Tout à fait. Ils disent qu'il n'y a pas assez de place dans les mosquées. Ils bloquent les rues et ils se mettent à genoux. Puis ils font leur prière dans les rues. On le voit sur YouTube. C'est pas de mise en scène, c'est pas du spectacle. Là. Et à Marseille, c'est encore pire. Là. Donc, on vit pas dans cette réalité-là. Alors, mais est-ce que ça peut arriver? Si l'immigration musulmane augmente sans cesse, je pense que on risque de voir des situations de cette nature-là aussi. Monsieur Brassard, ça va être un plaisir de vous reparler fin août. Vous allez être rétabli de votre grippe. Avec un petit peu de red champagne, là, ça va faire le job. D'accord. Hey, merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye. Jacques Brassard en pleine forme. Encore en pleine forme. Que oui. Avec un petit peu de red champagne, puis un petit peu de tourtière. C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Couillard ce matin qui le dit avec sa recette. Parce qu'il y a un débat sur la taille des patates, la couleur des patates, la sorte de viande qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on mange avec.